Le nez de Cléopâtre par Horace von Hoffel. Non, monsieur, dit Napoléon en se levant, c'est une erreur. Droit ou Camus, le nez de Cléopâtre ne pouvait rien changer à la face du monde. Cessez d'écrire et écoutez-moi. Lascazes ayant obéi, l'empereur huma une prise et, tout en marchant, il continua. Ce sont de ces opinions que l'on adopte sans réfléchir. Elles forment dans notre esprit des points morts, fermé à la méditation, aux enseignements que nous devons tirer de nos propres expériences. Une idée peut être remarquable au moment et dans les circonstances où elle a été exprimée. Jamais il n'en faut faire un article de foi. C'est paralyser son intelligence que de la surcharger de formules, fussent-elles géniales. Du reste, une pensée, passant du cerveau d'autrui au nôtre, n'est déjà plus une pensée. Qu'importait à Rome le nez de Cléopâtre? Que lui importaient même et César et Marc-Antoine? Rome ne pouvait plus échapper à son destin, conséquence inévitable de sa corruption, de son orgueil, de sa splendeur, de sa dureté, du désespoir de ses esclaves et des multitudes qu'elle avait opprimées. Ainsi à Waterloo mon heure était venue. Certes, cette pluie du matin fut fatale à nos projets. Je m'étonne qu'à ce propos vous ne me citiez point, au lieu du nez de Cléopâtre, le grain de sable de Cromwell. Autre baliverne. Oui, je pouvais gagner cette bataille, mais ensuite. D'ailleurs, où prenez-vous, monsieur, que je l'ai perdu? Des témoignages de l'histoire, de vos souvenirs? Mais qu'elles se souviennent de réalité ou de songe, de quoi votre mémoire se peuple-t-elle, si ce n'est de fantômes? Vers 3 heures de l'après-midi, je me trouvais au centre du champ de bataille. Le temps s'était éclairci, il me semblait que le soleil s'attardait dans les hauteurs du ciel. Pourtant, déjà l'ouest se peuplait de ténèbres. Les troupes noires de Bülow s'y déployaient comme un vol de corbeaux et prolongeaient leur feu sur notre flanc. J'ordonnai au comte de Lobo d'arrêter les Prussiens. Il était convenable, avant de rien entreprendre ailleurs, d'attendre l'issue de cet engagement. Néanmoins, je fis avancer la garde dans la plaine occupée auparavant par le premier corps. Ces masses de cavalerie, soutenues par l'infanterie, allaient donner le coup de grâce au carré de Wellington. L'avant-garde du vieux Blücher pliait. Un aide-de-camp de Grouchy venait de m'annoncer que le maréchal marchait au canon avec toute la célérité dont il était capable. Dès lors, c'était la victoire. Après un dernier coup d'œil sur mes grognards en ligne, les grenadiers, les chasseurs piétinant les seigles ravagés, les escadrons de cuirassés, de dragons, de lanciers rouges, les batteries immobiles sous la flamme des torches, prêtes à vomir l'ouragan final, je m'éloignais vers la droite pour rejoindre de Lobo. J'étais là, peu dispos, fatigué d'être en selle et d'entendre le canon depuis bientôt 2 jours. Suivi de mon escorte, je m'engageai dans un chemin creux dont les talus en s'élevant finirent par dérober à nos yeux tout le reste du paysage. C'était un endroit isolé, envahi par les herbes folles, et où régnait un calme inattendu. Un inexplicable et presque religieux silence. Ceux qui ont fait la guerre savent que de telles surprises n'y sont point rares, que souvent, au sein même de la brûlante dévastation, on découvre de ces coins oubliés par la guerre et ses fureurs, de ces oasis de paix où l'âme du soldat égaré peut se détendre, se reposer un instant et se rafraîchir. Ce chemin aboutissait à une petite ferme couverte d'un toit de chaume et cachée sous les feuilles. J'exprimai le désir d'y entrer et de parler aux habitants s'ils n'avaient point fui. Non seulement ces gens étaient restés chez eux, mais il nous parut que leurs habitudes quotidiennes étaient à peine changées. Au moment où je pénétrais dans l'enclos, j'aperçus l'homme qui bêchait son jardin et la fermière qui jetait du grain à ses poules. À l'intérieur, une vieille filait au fuseau et chantait pour endormir un enfant. La fermière accourut au-devant de nous. Elle m'introduisit dans la plus belle pièce de sa demeure, une chambre nette, pavée de carreaux rouges, meublée d'une table ronde, de chaises neuves et d'une commode en acajou poli comme un miroir. L'hôtesse m'avait reconnu. Elle me nommait Monsieur Napoléon. Elle me demanda la permission de m'offrir une tasse de café frais qu'elle venait de préparer. Pendant que je goûtais son breuvage, le fermier vint me saluer. Il avait l'air d'un brave, je lui dis. « Tu es donc un vieux soldat ?»« Du 17e chasseur à cheval, mon empereur. » J'ai mon congé depuis 1812. Le 17e chasseur, il était un pas d'ici, sur la route du Havre avec Marbot. Ça ne te disait donc rien de rejoindre tes camarades? J'ai fini mon temps, à chacun son tour. je pensais, sire, que vous étiez comme moi, marié, père de famille, et retiré du service depuis longtemps. » Il n'y avait rien à répondre. Je m'abandonnai à une rêverie que mon entourage respecta. Pas un bruit du dehors ne troublait l'immense paix de cet asile. Par la fenêtre, j'entrevoyais les branches d'un pommier et les pétales de trois grands tournesols. Une abeille égarée bourdonnait dans la chambre et cherchait en vain à s'évader. La vitre claire l'attirait. Là était la lumière qui l'appelait et l'obstacle invisible contre lequel se briseraient son élan et ses ailes. En certaines circonstances, plus rien ne peut nous sauver, ni notre instinct, ni notre raison, ni notre génie. Je pensais aux paroles de ce vieux soldat. Il avait raison. Ma place n'était plus aux armées, mais à la maison avec ma femme et mon fils. En cette heure, je tenais Wellington et Blücher. Qu'avais-je besoin de les anéantir? De jouer une fois de plus au César triomphant, promenant son char et ses lauriers dans les murs d'une capitale conquise? Non, c'en était fait. J'allais ordonner de suspendre les attaques, de concentrer mes brigades. Réformées, intactes, maîtresses du champ de bataille, elles seraient plus redoutables à l'ennemi qu'après une victoire hasardeuse et désordonnée. Je renonçais à dicter ma paix, encore chargée de menaces. J'acceptais celle des vaincus, avec des garanties pour tout le monde, même pour les Bourbons. Oui, en cette suprême minute, le destin suspendit sa course et chercha quelle route il devait suivre. Hésitation vaine, choix apparent, les deux routes aboutissaient au même abîme. L'une y allait tout droit, l'autre n'était qu'un chemin de traverse. Malgré moi, contre mon inquiétude, mon angoisse, contre mes obscurs désirs, ma conscience m'imposa la résignation et le silence. Je renvoyai les deux camps qui s'étaient avancés pour recevoir mes ordres et je sortis de la chaumière. Maintenant le crépuscule tissait ses voiles d'ombre au-dessus de la plaine. La lune montait à la cime des arbres et nos chevaux s'ébrouaient dans la fraîcheur du soir. Tout à coup, nous nous retrouvâmes en pleine tempête. J'eus comme un éblouissement. Dans la nuit, je voyais mes mains blanches posées sur le pommeau de ma selle et je me sentais tout trempé de sueur. Je ne reconnaissais plus mon champ de bataille. Là d'attendre, mes escadrons impatients venaient de se ruer sur les baïonnettes anglaises. La flamme des canons brûlait les cuirasses à bout portant. Les dragons chevelus sabraient la foule rouge. Des chevaux fous se cabraient au-dessus de l'obscure et sanglante multitude. Et sans cesse, la mitraille décimait ma cavalerie. Mais toujours, les cuirassiers, les dragons, les lanciers revenaient à la charge, furieux, désespérés, enfonçant les carrés, culbutant sur leur passage les pièces et les caissons. Cependant, Wellington restait inébranlable. Je le reconnus à distance, immobile sous le feu, drapé dans son long manteau de croque-mort. Comme moi, il l'attendait. Il avait renoncé à commander aux événements. Peut-être devinait-il à ce moment que les débris de la grande armée se suicidaient sous ses yeux. C'est alors qu'advint cette panique inouïe qui devait précipiter notre ruine. Quelques bataillons de la jeune garde ayant reculé, le cri du sauve-qui-peut se répandit parmi les troupes. En un clin d'œil, tout fut confusion, débandade et désordre. « Ah ! » acheva l'empereur en se plantant devant son secrétaire. « Vous rougissez. Je devine qu'une nouvelle situation brûle vos lèvres. Quand Jupiter veut perdre un homme, aussi fausse que les précédentes. Dans les grandes crises, Dieu nous inspire mieux que notre raison aveugle et épouvantée. Il fallait que l'Empire s'écroulât d'une seule pièce, afin que ses débris témoignassent de sa grandeur. En gagnant Waterloo, et je le pouvais, monsieur, et je faillis l'oser. Je n'arrivais qu'à prolonger son agonie, pour le perdre quand même ensuite, avant ou après ma mort, dans les misères et les platitudes qui, à l'heure actuelle, ruinent le règne de Louis XVIII. Et l'histoire de France suivait son cours sans que rien au fond n'y fût vraiment changé. Si vous ne me comprenez pas aujourd'hui, vous me comprendrez demain ou plus tard. Faites-moi une partie d'échecs et parlons d'autre chose. » C'était Le nez de Cléopâtre par Horace von Hoffel.